2. Le livre des règles de bienséance liées au repas. Chapitre 100. Dire Bismillah avant de manger et Alhamdulillah après avoir mangé. 728. D'après Omar ibn Abu Salama, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Dis au nom d'Allah, Bismillah, avant de manger, mange de la main droite et mange ce qui est devant toi. » Al-Bukhari et Muslim. 729. Selon Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque l'un d'entre vous s'apprête à manger, qu'il dise « Bismillah ». S'il oublie de le faire au début, qu'il dise alors « Au nom d'Allah » au début et à la fin du repas. « Bismillah awwalahu wa akhirahu » Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih » 730 Jabir, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Lorsqu'un homme regagne sa demeure et mentionne le nom d'Allah Ta'ala en disant « Bismillah », au moment d'y entrer et au moment de manger, Satan dit à ses suppôts, il n'y a ici pour vous ni gîte, ni couvert. Si au contraire il entre sans mentionner le nom d'Allah Ta'ala, Satan leur dit, vous avez trouvé où passer la nuit. Et s'il ne mentionne pas le nom d'Allah Ta'ala avant de manger, Satan leur dit, il y a pour vous ici le gîte et le couvert. Muslim. 731. Hudhayfa, radiyallahu anhu, rapporte. Lorsque nous participions à un repas en présence du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous ne tendions jamais nos mains vers le plat avant lui. Un jour, lors d'un repas, une fille, comme poussée par quelqu'un, se précipita sur le plat. Mais avant qu'elle ait pu y introduire sa main, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, la lui saisit. Puis vint un bédouin, comme poussé lui aussi par quelqu'un, et dont le prophète, sallallahu alayhi wassalam, attrapa également la main avant de dire « Satan s'autorise la nourriture sur laquelle le nom d'Allah Ta'ala n'a pas été mentionné. Il est donc venu avec cette fille pour se permettre de toucher au repas par son intermédiaire, mais j'ai retenu sa main. Il s'est alors présenté avec ce bédouin pour se permettre d'y toucher par son truchement, mais je lui ai également saisi la main. Par celui qui tient mon âme dans sa main, la main de Satan était dans la mienne en même temps que les leurs. Il prononça alors le nom d'Allah Ta'ala puis se mit à manger. Muslim. 732. D'après Umayya ibn Marshi, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était assis lorsqu'il vit un homme commencer à manger sans prononcer le nom d'Allah jusqu'à ce qu'il ne resta qu'une seule bouchée du repas. Puis, au moment de la porter à sa bouche, il dit « Au nom d'Allah, au début et à la fin. Bismillah awwalahu wa akhira. » Le prophète, sallallahu alayhi wasallam, sourit puis dit « Satan n'a cessé de manger avec lui, mais dès qu'il a prononcé le nom d'Allah, il, c'est-à-dire Satan, a vomi tout ce qu'il avait dans le ventre. » Abu Dawud et An-Nasa'i. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimuhallah. 733. Selon Aisha, radiyallahu anha, alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, partageait un repas avec 6 de ses compagnons, un bédouin vint et le termina en 2 bouchées. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « S'il avait prononcé le nom d'Allah, le repas vous aurait suffi. » At-Tirmidhi a dit, « Hadith Hassan Sahih. » 734. D'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wa sallam, disait avant de quitter la table, « Allah soit loué, d'une louange abondante, bonne et bénie, qui ne suffira jamais, mais à laquelle je ne peux renoncer, ou dont je ne saurais me passer, ô notre Seigneur. Alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi, ghayra makfiyin wa la muwadda'in, wa la mustaghnan anha, Rabbuna. » Al-Bukhari. 735. D'après Mu'adh ibn Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, quiconque, après avoir mangé, dit, louange à Allah qui m'a accordé ceci et m'en a fait grâce sans aucun effort ni pouvoir de ma part. Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan.